pas loin d'ici, où tant de gens y passent leur vie, possède ce charme si inédit, qui plaît à ceux qui aiment l'ennui. Dans ce pays mou, l'on préfère à faire le tour de la terre, voir des voitures et boire de la bière, sur la ligne droite des Hunaudières. Dans ce pays mou, les gens sont mous, la fête est molle quand manque l'alcool. Parfois les filles le sont aussi quand elles abusent de la picole. Mais on s'est habitué à ça, c'est l'essence même du sartois. C'est ça, ce trou, ça s'explique pas, exactement comme le Nutella. Et bien souvent on est content qu'on nous prenne pour des paysans, qui attendent qu'il pleuve sur leurs champs, soleil ne luit que pour les glands. Alors on reste et on attend que sur la Sarthe passe le temps, à l'ombre d'un grand châtaignier, votre émollement tel départ de flanc. En guise de sortie, on aime bien aller à Auchan, Castorama ou chez maman. Envie une ou deux fois par an, voir deux copains qui nous diront qu'il se passe plus rien dans leur maison. Pas faire la fête, foire à la flemme, la fière mollesse de ces braves garçons. On tape et puis on rentre chez soi, ou en week-end à Saint-Léonard-des-Bois.